Leçon 27. 27e leçon. Week-end à la campagne. Première partie. Guy Martin parle de sa voiture de sport. J'ai une voiture de sport décapotable dont je suis très fier. C'est une bonne marque. J'aurais aimé acheter une voiture neuve. Mais neuve, elle valait 20 000 francs. C'était trop cher pour moi. Je l'ai payé 15 000 francs d'occasion. On ne peut pas dire que c'était vraiment une affaire. Ça fait un an que je l'ai. Et je n'ai pour ainsi dire pas eu d'ennui avec. Naturellement, j'en prends soin. Je la fais réviser régulièrement. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, je la conduis au garage. Et je fais réparer ce qui ne va pas.